le sable d'Attaque Québec. À qui un autre monde est possible si a gente quiser. E aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. Aqui um outro mundo é possível. Bonjour, mon nom est Valérie Blouin. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale, préparée par Cédric Leterme et dont la mise en onde est assurée ce soir par notre camarade Nicolas Montrand. Au programme aujourd'hui, nous reviendrons avec Cédric Leterme sur le sommet de l'ONU qui s'est tenu il y a quelques jours autour des objectifs du millénaire pour le développement et nous en profiterons pour aborder la question plus large de l'aide au développement. Ensuite, nous serons rejoints en deuxième partie de l'émission par notre collaboratrice Marie-Josée Vachon, notre chroniqueuse sur l'Amérique latine qui a déjà travaillé dans des ONG, participé à des forums sociaux et qui nous partagera son intérêt envers l'Amérique latine. Aujourd'hui, elle viendra nous parler du Venezuela et des élections législatives de ce dimanche. Tout ceci après une courte pause musicale. Donc, restez avec nous sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Jusqu'à maintenant, j'ai la vie facile. Malgré que c'est pas encore le bonheur. J'ai visité tous les recoins, je sais que mon maître est bien nanti. J'ai fait mes griffes, mes petits soins, et ça m'a creusé l'appétit. J'appelle mes instincts de chasseur, je cherche un petit animal. Je peux tout voir dans la noirceur, je suis un chat, c'est bien normal. Si jamais il passe une souris, j'y fais la passe du samouraï. Les poissons rouges et du sushi. Faut que j'en mange un avant que je m'en aille. S'est tenu à New York un sommet des Nations Unies destiné à dresser un bilan de l'avancement des objectifs du millénaire pour le développement. On a jugé que c'était une bonne occasion de revenir un peu sur la question de l'aide au développement et de nombreux enjeux qui l'entourent. Pour en parler, on est rejoint par Cédric Leterme, notre fidèle collaborateur et producteur de l'émission. Bonsoir Cédric. Bonsoir Valérie. Est-ce que tu pourrais commencer par nous rappeler en quoi consistent exactement ces fameux objectifs du millénaire pour le développement? Alors, volontiers, mais c'est vrai que pour revenir un petit peu sur la question des EMD, on va les appeler, il faudrait un petit peu d'abord se replacer dans le contexte de l'époque, dans le contexte dans lequel ils ont été adoptés. Donc on est dans les années 90-2000, dans cette décennie-là, et avec la chute du communisme, on a une des grosses motivations idéologiques de l'aide au développement qui disparaît. Mmh. Alors, ajouter à ça le fait que les États riches ont un petit peu l'impression que l'aide au développement n'est pas efficace, que le Sud s'enfonce dans la misère, qu'on n'a pas vraiment de solution à ça. Donc, il va vraiment y avoir, à partir des années 90, une grosse lassitude de la part des pays donateurs. Et donc, on va voir une chute terrible dans la quantité d'argent qui est donnée à tête d'aide au développement. Et ça, ça intervient à un moment où la plupart des pays du Sud sont engagés dans des programmes d'ajustement structurel qui ont un coût social excessivement élevé. Donc la catastrophe est vraiment double pour ces pays-là. Alors face à ça, l'ONU, donc les Nations Unies, va décider d'essayer de renverser la tendance en organisant ce qu'ils appelleront le sommet du millénaire, et au cours duquel les États vont se réunir pour essayer de fixer des objectifs pour le développement. Donc ils vont fixer 8 en fait, qui devront être atteints pour 2015. La date limite qu'ils vont fixer, c'est à 2015. Alors c'est des objectifs très précis, comme la diminution de moitié des personnes qui souffrent de la faim, la diminution de moitié des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, essayer d'assurer la scolarité pour les enfants au primaire, essayer d'assurer l'éradication du paludisme ou du sida, des choses comme ça. Donc la plupart des pays vont adhérer, hein, les Nations Unies vont adopter ces objectifs-là. Sauf que, comme d'habitude, la question du financement va poser problème, puisque les États ne sont pas vraiment prêts à s'engager sur des chiffres précis. Alors, l'ONU, à partir des années 70, avait établi des chiffres qui devaient essayer de calculer le montant d'aide que les pays devraient allouer à l'aide au développement pour que les pays du Sud puissent se développer. Or, en 70, ils avaient sorti le chiffre de 0,7% du PIB nécessaire pour que les pays puissent sortir du développement et enclencher un cycle vertueux de la croissance, comme ils appelaient. Et puis alors, suite aux objectifs du millénaire, à leur formulation, ils ont aussi demandé à un économiste de calculer le coût spécifique des objectifs. Et ça a été estimé à plus ou moins 0,54% du PIB. Donc avec ces chiffres-là, il a fallu attendre 2005 pour que les pays riches acceptent de s'engager sur des montants précis. Le problème, c'est que, bon, c'est une bonne nouvelle qu'ils soient engagés à garantir des fonds pour le développement. Sauf que le problème, c'est que quand on met bout à bout tous les engagements, on n'arrive pas au 0,54% et encore moins au 0,7 qui serait bon, l'idéal. Ah oui. Mais en tout cas, les 0,54 pour les objectifs du millénaire, ils ne sont absolument pas atteints. Donc ça, c'est un des problèmes parce que ça reste vraiment en dessous de ce qui était prévu, quoi. Donc il y a un engagement, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Quel serait le bilan qui a été dressé pendant le sommet? Donc le bilan qui a été dressé, pour ceux qui ont un petit peu suivi, il n'est pas très bon. C'est sûr que les différents acteurs qui sont impliqués, l'ONU en premier lieu, ne sont pas vraiment optimistes sur la possibilité de réaliser les objectifs du millénaire. Sûr que déjà au niveau financier, les sommes qui avaient été promises, elles étaient en dessous de ce qu'on estimait nécessaire pour accomplir les objectifs. Donc ça, c'était déjà un problème. Sauf qu'en plus, la plupart des États n'ont même pas respecté cet engagement-là qui était déjà insuffisant. Alors, c'est sûr que la crise y est pour beaucoup, parce qu'évidemment, le problème, c'est que l'aide, généralement, elle est exprimée en pourcentage du PIB. Or, comme avec la crise, la plupart des PIB ont diminué, mécaniquement, le montant d'aide qui est alloué au développement diminue aussi. Puis l'autre problème dû à la crise, c'est qu'évidemment, les États voient leurs finances vachement réduites et affectées par la crise. Donc la plupart vont hésiter à allouer toujours autant d'efforts à l'aide au développement et ils vont un peu revoir leurs priorités. Alors ça, évidemment, ça influe au niveau des résultats aussi, parce qu'évidemment, si l'argent n'y est pas, les résultats n'y sont pas. Il faut quand même préciser, et l'ONU l'a souligné, qu'il y a eu quelques avancées notables, donc notamment en termes de scolarisation, en termes de lutte contre le sida, contre le paludisme, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et il faut le souligner. Mais globalement, le bilan de l'ONU, ça reste qu'on est très en deçà des objectifs qui ont été fixés. Et ici aussi, un des gros problèmes, c'est que la crise est vraiment venue compromettre, et est vraiment venue annuler, voire même reculer certains des gains qui avaient été des fragiles gains qui avaient été obtenus jusqu'à présent. Ah oui, donc pour le Canada, dans tout ça, où il se situe? Le Canada, là-dedans, malheureusement, il ne se situe pas dans le groupe de tête, on va dire, qu'il fasse partie des bons élèves. Son bilan n'est pas très brillant, et c'est d'autant plus malheureux que le bilan d'ensemble n'est déjà pas brillant. Mais même à l'intérieur de ça, le Canada fait vraiment office de mauvais élèves. Il ne respecte pas vraiment les engagements financiers qu'il avait pris. Donc l'aide canadienne peine à atteindre les 0,3% du PIB, ce qui est vraiment très peu en regard des objectifs qui ont été déterminés par l'ONU, mais qui est aussi en dessous de la moyenne des pays développés. Et le dernier budget fédéral prévoit en plus le gel complet de l'aide internationale entre 2011 et 2015, 2015 étant la date censée aboutir les objectifs du millénaire. Donc, le fameux programme. Le fameux programme. Donc c'est vraiment triste à voir. C'est sûr qu'on a vu Harper les derniers jours annoncer des nouveaux programmes. Sauf que ce qu'il oublie de préciser, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux fonds qui vont être alloués à ces programmes-là. Mmh. Donc généralement, ben, ça va empiéter sur d'autres programmes qui auraient été tout aussi utiles. Donc le résultat net est quand même assez pauvre. Et donc ici encore, on voit que la position canadienne au niveau international, elle est fortement critiquée, d'autant plus qu'elle s'ajoute aux effets désastreux que les positions canadiennes dans d'autres grands dossiers internationaux ont pu avoir. On pense notamment au changement climatique, mm-hmm. où la position du Canada est vraiment fortement décriée, et on sait que c'est les pays en développement et les pays pauvres qui sont les premières victimes du changement climatique. Puis en ce qui concerne l'aide au développement en général, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est considéré comme de l'aide, comment on la mesure, les indicateurs? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que c'est souvent un peu confus. On se demande toujours à quoi ça correspond, les 0,7% du PIB, qui est-ce qui est en charge de mesurer, etc. Mm-hmm. Donc, ce qui est important de rappeler d'abord, c'est qu'en ce qui concerne les pays développés, donc les pays riches, c'est un organe de l'OCDE qui s'appelle le CAD, le Comité d'aide au développement, qui est en charge de l'aide. Donc, il est chargé de la mesurer, d'établir les statistiques et d'évaluer aussi les politiques d'aide des pays membres, donc des pays riches. Alors, d'après le CAD, on considère comme de l'aide publique au développement tout transfert financier qui va donc de la part d'un État riche envers un pays en développement à des fins d'aide au développement. Ça, c'est très important parce que mm-hmm. l'aide militaire, ça ne peut pas être considéré comme de l'aide au développement, mm-hmm. forcément. Et il faut en plus que ces transferts financiers aient une certaine dimension préférentielle. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé que ce soit un don, mais même si c'est un prêt, il faut que le prêt ait quand même un caractère préférentiel. Donc, il faut que ce soit accordé à des conditions meilleures que ce que le pays pourrait avoir aux conditions du marché, par exemple. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est intéressante, parce qu'on a souvent tendance à croire que l'aide au développement, c'est juste des dons, c'est de l'argent mm-hmm. qui est donné gratuitement. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est sûr qu'il y a une dimension de dons, sauf qu'il y a quand même une grosse partie, enfin une partie non négligeable en tout cas, qui fait l'objet de prêts, simplement des prêts qu'on accorde à ces pays-là, sauf que c'est considéré comme de l'aide, parce que c'est des prêts accordés à des taux plus avantageux. Donc ça, c'est une autre chose à savoir. Alors c'est sûr que ces financements-là, donc l'aide publique au développement, on la distingue du financement privé. Mm-hmm. Et ce financement privé, donc, il peut prendre la forme d'investissement de la part de multinationales, qui peut être des prêts de banques commerciales, etc. C'est des financements qui ont explosé ces dernières années. Et maintenant, on voit qu'ils dépassent de très très loin l'aide publique au développement qui est accordée aux pays du Sud. Alors ça, de nouveau, c'est un aspect qui est assez important et assez inquiétant sous certains aspects de la façon dont les pays du Sud se financent, parce que les flux privés ont tendance à privilégier les pays qui vont bien, mm-hmm. les pays qui on peut s'attendre à avoir un retour sur investissement. Et donc, étant donné que c'est ces flux-là qui constituent la grosse partie des financements qui vont vers le Sud, ben, les pays les plus pauvres, donc, notamment par exemple l'Afrique subsaharienne, ne bénéficient pas de ces financements-là. Donc c'est d'autant plus important qu'ils bénéficient de l'aide publique au développement. Et pour en revenir ensuite à la définition qui est adoptée par le comité d'aide au développement, mmh. il y a un des problèmes qui est souvent mentionné, c'est qu'elle inclut beaucoup de flux financiers dedans, elle inclut beaucoup de choses qui au final ne correspondent pas nécessairement à des nouveaux transferts d'argent vers les pays qui peuvent utiliser pour des projets. Alors je m'explique, par exemple, on peut considérer comme de l'aide au développement une remise de dette. Donc, par exemple, si le Canada décide d'annuler une partie de la dette d'Haïti, il pourra rentrer ça dans ses statistiques d'aide au développement pour l'année, alors que Haïti se retrouve pas concrètement avec de l'argent à pouvoir investir. Donc ça, c'est un des exemples qu'on cite souvent. Il y a aussi l'accueil d'étudiants étrangers qui est comptabilisé dans l'aide au développement des pays, alors que la plupart des étudiants étrangers ne rentrent pas chez eux. Donc on comptabilise de l'aide au développement, alors qu'en fait, c'est de la fuite de cerveau envers les pays riches. Mm-hmm. Il y a aussi le salaire des employés expatriés des pays riches qui vont travailler pour des missions de développement dans le Sud. Mais ça, c'est comptabilisé aussi, alors que c'est des salaires qui sont versés à des nationaux. Donc tout ça fait qu'au final, il y a quand même une proportion non négligeable, quand même assez forte. Il y a des personnes qui parlent de 40 à 60% de l'aide qui finalement ne correspond pas à un transfert d'argent effectif qui peut être utilisé par les pays du Sud. Donc il faut garder ça aussi en tête quand on nous cite des statistiques, quand on parle un peu d'aide et de pourcentage du PIB qui est alloué. Oui, merci Cédric pour ce regard, en tout cas ce nouveau regard par rapport à l'aide au développement. Donc on va faire une petite pause musicale. En ce moment, on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre entretien avec Cédric Leterme. La vie n'est pas qu'une salope, rendez-vous effréné. Jument sauvage et galope, peuplage bouché. La vie n'est pas qu'une salope, quand tu la cherches, c'est. En dehors dans la De retour au Grain de sable sur les ondes de CKRL. Mon nom est Valérie Blouin et je suis toujours en compagnie de Cédric Leterme qui nous parle d'aide au développement. Donc, c'est suite au sommet de l'ONU sur les objectifs du millénaire du développement qui a eu lieu du 20 au 22 septembre dernier à New York. Donc, alors, Cédric, à qui est-ce qu'elle va en priorité cette aide? Comment est-ce qu'on la répartit? Bah, de nouveau, c'est une bonne question. On pourrait s'attendre en toute logique à ce que ce soit les pays les plus pauvres, donc les pays qui ont le plus besoin qui la reçoivent. Mais bon, malheureusement, comme souvent, ce n'est pas la logique qui prime. Il y a deux problèmes. C'est déjà, les États, généralement, ils ont un peu de réticence à donner aux pays très, très pauvres, parce que c'est souvent les pays qui disposent des institutions les plus fragiles. Donc, ils sont le moins à même d'utiliser les fonds qui leur sont alloués de manière efficace. Puis bon, il y a souvent beaucoup de corruption aussi dans ces pays-là. Donc, généralement, on a tendance à plutôt donner à des pays qui ont des institutions déjà un peu plus fortes. Ah oui, il y a de la corruption. Il y a quand même assez de corruption, oh. Même dans les pays pauvres. Et donc, c'est vrai que ça arrive souvent qu'on donne à des pays qui en ont peut-être moins besoin, mais parce qu'on sait qu'en tout cas, ils utiliseront l'aide de manière plus efficace. Mmh, donc c'est ça, c'est un premier problème. Mais ce qui est nettement plus scandaleux dans la répartition de l'aide, c'est que souvent l'aide, elle est attribuée en fonction de considérations géopolitiques. Donc on peut prendre des pays comme les États-Unis ou le Canada, pour lesquels l'Irak et l'Afghanistan, par exemple, vont s'accaparer une part excessivement importante de l'aide qu'ils donnent. On peut prendre aussi l'exemple de la France ou de l'Espagne, qui ont plutôt tendance à donner à leurs anciennes colonies, même si ce n'est pas spécialement les pays qui ont le plus grand besoin d'aide au développement, mais en tout cas, c'est les pays avec lesquels ils veulent garder des liens. Et un autre aspect des considérations souvent un petit peu... La politique est propre aux États, en tout cas qui servent les avantages des États, c'est le fait qu'ils ont souvent tendance à lier l'aide, à poser des conditionnalités. Donc, par exemple, ils vont conditionner l'octroi d'une certaine enveloppe à une allégeance politique dans le cadre de l'ONU. Ils vont aussi souvent, beaucoup plus souvent d'ailleurs, lier l'allocation de fonds au fait que le pays devra utiliser ces fonds-là auprès d'entreprises du pays qui la donne. Donc c'est aussi des manières de se renvoyer l'ascenseur, donc de reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. Mm-hmm. Donc ça a été beaucoup critiqué, le phénomène de l'aide liée. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives qui ont été prises, donc il faut le souligner aussi, dans le cadre de l'ONU et dans le cadre de l'OCDE pour essayer d'y remédier. Donc une des façons de faire, c'est de multilatéraliser l'aide, c'est-à-dire de faire passer l'aide par des organismes internationaux qui, eux, la redistribuent après. Donc ça permet en tout cas d'éviter les problèmes que je viens de citer. Ça permet aussi d'éviter les incohérences qui peuvent exister quand il y a plusieurs donateurs qui donnent de l'aide à un même pays, mais qui ne se coordonnent pas spécialement entre eux. Donc ça peut aboutir à beaucoup d'inefficacité. Mais c'est sûr que ça reste un gros problème, en tout cas la conditionnalité de l'aide et le fait qu'on accorde de l'aide en fonction de critères qui sont autres que des critères d'absolue nécessité. Et un autre problème, c'est aussi les incohérences qui peuvent exister entre les objectifs qui sont soi-disant affichés par les pays qui donnent de l'aide et les politiques que ces mêmes pays poursuivent dans d'autres domaines. On peut penser par exemple au domaine commercial, où les cas les plus flagrants, c'est les pays qui accordent de l'aide à des pays en proie à des guerres civiles, mais qui d'un autre côté vendent des armes à ce même pays. Ça arrive quand même assez souvent. C'est sûr qu'on voit qu'il y a une incohérence qui est flagrante dans ce cas-là. On peut aussi penser à des pays qui accordent de l'aide alimentaire d'urgence, mais qui d'un autre côté vont poursuivre des accords de libre-échange pour que les pays ouvrent leur marché à l'importation de produits agricoles qui sont lourdement subventionnés. Puis la liste est longue encore d'exemples comme ça qui montrent qu'il y a quand même vraiment un problème qui est structurel aussi à régler au niveau de l'aide au développement. Donc, dans cette optique, c'est significatif aussi que la crise soit responsable d'une perte considérable du terrain qui avait été gagné ces dernières années dans les cadres des objectifs millénaires du développement. Oui, tout à fait. Ça illustre vraiment bien justement les limites d'une approche... d'une approche un peu caritative de l'aide au développement et qui se fait malheureusement... Qu'est-ce que tu veux dire par caritative? C'est-à-dire qu'on privilégie une notion de charité, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est qu'on ne règle pas les problèmes structurels, on a tendance à privilégier de l'aide d'urgence, de l'aide vraiment de charité, et ça se fait souvent au développement d'une solution plus structurelle. Si on parlait d'incohérence, elle est vraiment criante quand on voit les objectifs, par exemple, qui sont poursuivis par des organisations comme l'OMC, qui essaie vraiment de poursuivre une libéralisation à outrance des marchés, qui essaie vraiment de renforcer des règles commerciales qui sont clairement au détriment des nations les plus pauvres. Privatisation, libéralisation, la liste est longue pour l'OMC. On peut parler du G20 aussi. Le G20, qui, déjà, en tant qu'organe, il est profondément illégitime, puisqu'il regroupe que 20 pays sur l'ensemble de la planète, et évidemment les pays mais avant, sont... c'était 7. C'était 7, oui, il y a déjà une amélioration. Sauf que, voilà, de ce G20-là, c'est sûr que les pays qui sont exclus, bah, c'est forcément les pays les plus pauvres qui n'ont pas voix au chapitre. Et on le voit bien, le G20 qui était censé s'attaquer aux causes de la crise et réformer, soi-disant, le capitalisme, tout ce qu'il a réussi à nous sortir à la dernière rencontre, c'était la nécessité de réduire les déficits publics. Donc on voit là encore qu'il y a vraiment un problème de structure, il y a un problème de fond. Et tant que les structures politiques et économiques mondiales ne seront pas profondément modifiées, l'efficacité de l'aide, elle va rester au mieux limitée et au pire, franchement, compromise. Donc, à titre d'exemple, j'ai reçu il n'y a pas longtemps un communiqué qui a été émis par Attaque Gabon, dans lequel il dénonce justement l'hypocrisie qui réside derrière les objectifs millénaires pour le développement et cette espèce de double jeu que jouent les pays occidentaux, où d'un côté ils s'affichent dans les réunions de l'ONU, ils prétendent de la main sur le cœur qu'ils veulent vraiment sortir les pays pauvres de la misère, mais d'un autre côté ils poursuivent dans toutes ces autres instances que je viens de nommer des politiques qui vont clairement à l'encontre des intérêts des pays du Sud. Donc Attaque Gabon était vraiment très remonté là-dessus, on appelait carrément à rejeter les objectifs du millénaire pour le développement. Ah oui. On va peut-être pas aller jusque-là sans aller jusqu'à un rejet pur et simple, parce que c'est vrai que c'est un instrument qui a été important, qui a permis de mettre sur la table un ensemble d'objectifs, qui permet aussi d'obliger les États à rendre des comptes et à se justifier par rapport à cette norme-là. Donc c'est vrai que les objectifs pour le millénaire, en ce qui concerne des impératifs d'urgence, ils ont leur importance, mais ça reste que ça incarne une approche caritative, donc qui peut marcher pour des solutions d'urgence, mais qui doit nécessairement se combiner avec une réforme structurelle et une approche structurelle du problème. Et parce que c'est vrai qu'ils dépendent aussi fortement, donc les objectifs du millénaire du développement, le problème de leur poursuite, c'est qu'on est très tributaire de la bonne volonté des États. Et donc ça, on l'a vu vraiment avec la crise où on a eu une diminution des fonds. De l'aide, oui, c'est sûr. Donc justement, à ce propos, on a entendu le président Sarkozy défendre avec d'autres chefs d'État l'idée d'une taxe sur les transactions financières. Alors, est-ce que ça, c'est un pas dans la bonne direction? Parce qu'on sait que c'est une des vieilles revendications d'attaque. Alors, il y a de l'espoir? On peut penser qu'il y a de l'espoir, oui. Mais en tout cas, nous, on a un petit peu d'espoir là-dessus. C'est vrai que la taxe sur les transactions financières, c'est une des vieilles mesures qu'Attaque défend depuis très longtemps. Et on nous a toujours répondu que c'était infaisable, que techniquement, c'était pas possible, que c'était, oui, certes, c'était une bonne idée et que ce serait intéressant, mais que c'était techniquement pas faisable. Mmh. Donc, ce qui a changé depuis, et ça, c'est quand même très important, c'est que le FMI a quand même reconnu, il n'y a pas très longtemps, que c'était tout à fait faisable. FMI en personne reconnaît, donc ça donne quand même une caution extraordinaire à l'idée de la taxe. Donc on sait maintenant que le seul obstacle qui reste, c'est un obstacle politique, donc il faut qu'il y ait une volonté politique, mais en tout cas au niveau technique, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est très bien. L'autre chose qui a changé aussi, c'est que la crise, évidemment, est passée par là. Et donc, les États se retrouvent dans une situation financière qui est assez, assez délicate. Donc ils sont beaucoup moins réticents et ils commencent un petit peu à se demander si c'est pas un peu stupide de se priver d'une source de financement aussi évidente que celle-là. Donc, c'est vrai que le moment semble propice. On a l'impression qu'on est vraiment dans un moment favorable à l'adoption d'une taxe pareille. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a une campagne qui est menée, entre autres, par des ONG comme Oxfam, et qui est d'ailleurs soutenue par Attaque, pour la mise en place de ce qu'ils appellent une taxe Robin des Bois. Donc, c'est vraiment une taxe sur les transactions financières. Okay. On aura l'occasion d'en reparler, hein, parce qu'il y aura des actions, etc., qui vont être menées. Mais c'est vrai qu'il est temps, en tout cas, on a l'impression que le temps est vraiment arrivé, qu'on mette en place, au niveau mondial, des mécanismes comme celui-là, pour essayer de composer avec le fait que l'économie est mondialisée, donc il faut se donner des instruments de type globaux. Mais il faut quand même rappeler, c'est là-dessus qu'Attaque met quand même un petit bémol, il faut rappeler que pour Attaque, l'idée de la taxe à l'origine, c'était surtout pour lutter contre la spéculation. Donc l'idée, c'est que la taxe devait être suffisamment élevée pour dissuader les mouvements de capitaux les plus volatiles, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'elle devait s'inscrire plus largement dans un ensemble de mesures destinées à réduire le pouvoir de la finance au niveau mondial et essayer de faire en sorte que l'économie et la finance soient remises au service des citoyens et non plus, comme c'est le cas, que ce soient les citoyens qui soient au service de la finance et de l'économie. Donc ça, on n'est pas certain que les propositions qui sont avancées pour l'instant par M. Sarkozy aillent dans ce sens-là, puisqu'il y a des chiffres qui avaient été sortis par Attaque, notamment que pour que ça ait une incidence quelconque sur la spéculation, il faudrait que la taxe soit au moins de l'ordre de 1%. Or, les chiffres qui sont en train d'être avancés sont nettement inférieurs, donc ça n'aurait pas vraiment d'incidence sur la taxe. C'est à quel taux environ? Mais pour l'instant, il parle plutôt de 0,03. Okay, 0,03 au lieu de 1%. Au lieu de 1%. Donc, c'est sûr que ça génère quand même des fonds, c'est intéressant, mais ça ne s'attaque pas au fond du problème, qui est la spéculation, qui est le fonctionnement de la finance. Donc, c'est certain qu'Attaque va suivre ça attentivement. Comme tu l'as dit, c'est un excellent premier pas. Et à court terme, ça peut certainement permettre de mobiliser des fonds pour des enjeux qui sont urgents. Mais à long terme, pour nous, ça doit vraiment s'inscrire dans un processus beaucoup plus large de réforme en profondeur du système économique et politique mondial. Et pour l'instant, ça ne se dirige pas par là. Donc, il faut vraiment continuer à mettre la pression là-dessus pour le faire aller dans ce sens-là. OK, excellent. Donc, on va mettre de la pression là-dessus pour avoir plus de long terme. Alors, merci Cédric de nous rappeler. Et merci pour cette chronique sur un peu qui entourait les objectifs du millénaire. Alors, avant de passer à une page de pub et de retrouver Marie-Josée Vachon, je voudrais juste vous annoncer une action qui aura lieu la semaine prochaine pour dénoncer les coupes fédérales dans le budget alloué aux logements sociaux. Et oui, alors même que des millions de dollars de réduction de taxes sont accordés aux entreprises et aux plus favorisés, ça s'appelle « Couper les abris fiscaux au lieu des logements sociaux ». C'est organisé par le FRAPRU, donc le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain. Et ça aura lieu le jeudi 30 septembre au centre Lucien Borne, donc au 100 chemin de Sainte-Foy. Quant à nous, on se retrouve après cette pause publicitaire. Le théâtre du temps qui s'arrête et premier acte te présente la fanfare. Du 21 septembre au 9 octobre 2010, la fanfare. Un spectacle rock avec un grand live sur scène. 10 comédiens et un voyage tumultueux à travers les yeux de Eugène, un jeune soldat revenu d'Afghanistan, atteint du syndrome de stress post-traumatique. De Lucien Ratio et toute son équipe. Musique décembre en chute libre. Billets sur Billettech. 88-643-8131. 88-643-8131. Ou sur premieracte.ca. Collaboration de la Caisse populaire bénévole et l'Armes à l'Univers, je vais faire marcher serre et de CKRMF. Vous voulez découvrir les jeux de société contemporains? Alors ne manquez pas les cures de jeux à tous les jeudis dès 18h au Café Cinécure 840 Avenue Mirand. Près de 200 jeux de société à chaque semaine et un animateur facilitant la prise en main des jeux sélectionnés. Les cures de jeux, produites et animées par Sociojeux en collaboration avec le Café Cinécure. Rendez-vous entre 18h et minuit au Café Cinécure 840 Avenue Mirand. Information, productionsociojeux.blogspot.com. À surveiller dans l'édition de septembre du journal Droit de parole. À Toronto pour le G20, 1 milliard de dollars, 1000 arrestations, pas de progrès humain. Un reportage de Michael Lessard. À Asunción au Paraguay pour le Forum social des Amériques. Bien vivre ou disparaître, survol d'Yves Carrier. Aussi, Stéphane Nicolas expose la droite populiste radicale. Regard sur 5 vidéastes de mer et monde, et plus. Droit de parole est disponible en présentoir dans les quartiers centraux, droiteparole.org. Québécois est riche avec ses appellations hors de contrôle. Marc Bourbet met de l'ordre dans tout ça. Les produits du terroir, samedi dès 19h au 89. C'est les destinées qui t'emmènent là. Son fromage. La raison logique, le micro est couvert, on a que ça, les mots et la foi est populaire, le cogite, un stylo, un cahier, parti pas, comme les halles, pareil pour un aller, car trop de paroles et trop d'années, et encore il va changer, peut-être ne changeront-elles jamais, cette façon-là que les gens ont de penser, de vouloir à tout prix, de vouloir tout gagner, mais qui dit gagner, ont-ils perdant, la rage de tout, on ne vous l'apprend pas, la compétition est pour nous un problème, déjà trop propagé, on n'a qu'à gagner. Si mettre corbeau sur son arbre perché, voulait partager son fromage. Mais le corbeau radin n'a rien donné. Et le renard l'a fait au fond. Lui a arraché. Oh, trêve de volatile, passons aux choses humaines. Car j'ai de la peine de voir la petite sur son trottoir, la crasse au nez. Alors que juste en face, dans un resto, le touriste joue l'ignorant, gavé d'argent, bien au chaud. C'est parti du continent. C'est ce qu'on déjà pour des billes. L'homme n'est pas fait pour travailler. Dans une société qui pousse à moderniser. Et quand l'outil sera bien électroniqué, l'outil sera bon à jeter. Si mettre corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si mettre corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si mettre corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si mettre corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. J'ai le droit d'être quelqu'un sans travail, je ne suis rien faux. Ce ne sont là que des ragots, poussés par les trains dans une facilité pour s'accrocher à des bouées. un peu trop libéré. 10 ans comme employé chez Roman, et aujourd'hui il vend des fleurs dans le métro. Comment peut-il compenser ce qu'il gagnait des gestes imprégnés. Son école est repassée, vous savez, il a bossé dans une entreprise avec un boulot de merde où la philosophie travaille plus vite que tes voisins. Tu seras en haut de là, mais bien loin, et le sommet des échecs. Et si quelques corps ne peuvent pas y accéder, c'est pour cela qu'on parle une fois en pause dans son plan. Ce sommet taille-là, ah, je vois 4-6 mètres corbeaux sur son arbre pêché. Partager son fromage, c'est mettre un corbeau sur son arbre pêché. Voulez partager son fromage, c'est mettre un corbeau sur son arbre pêché. Voulez partager son fromage, c'est mettre un corbeau sur son arbre pêché. Voulez partager son fromage. Bonjour, chers auditeurs. Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de sable, ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie de l'émission. On est rejoint par une collaboratrice que certains de nos auditeurs reconnaîtront pour avoir déjà participé à plusieurs reprises à l'émission. Marie-Josée Vachon, bonsoir. Bonsoir, Valérie. Alors, ça me fait plaisir de t'accueillir dans nos studios. Merci. Alors, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler du Venezuela et des élections. Et oui, étant donné que les élections législatives et non présidentielles, je tiens à le préciser, ça approche à grands pas. Venezuela, en fait, elles auront lieu dimanche, le 26 septembre. Mais j'ai choisi de vous parler, j'étais sur la toile, sur Internet, et je suis arrivée sur un texte écrit par Eva Gollinger, je ne sais pas en tout cas comment le prononcer. C'est sûrement ça. C'est un texte qui parle de désinformation. En fait, c'est un texte qui avait été écrit en anglais. On le retrouve aujourd'hui pas mal sur plusieurs sites web de gauche, évidemment. Mm-hmm. Il parle des médias états-uniens qui intensifient leur campagne contre Chavez à l'approche des élections législatives. Oui. Ah oui, alors c'est qui cette dame-là? Oui. Je ne le prononcerai pas. Gollinger. Elle est une avocate formée à New York. Elle est spécialisée en droits humains. Elle a quitté New York et elle s'est installée au Venezuela. Elle a publié un livre qui s'intitule « Le Code Chavez ». En fait, elle déchiffre l'intervention des États-Unis au Venezuela. Son œuvre la plus récente s'intitule « Bush contre Chavez, la guerre de Washington contre le Venezuela ». Cette œuvre documente l'escalade constante des attaques de l'administration américaine contre la révolution bolivarienne. Ah oui, alors par curiosité, donc de quel média elle parle au juste? Oui, elle aborde la question de la désinformation. Elle parle tout d'abord de CNN. Mm-hmm. Elle dit que CNN applaudit au terrorisme contre le Venezuela. Donc, s'il y a du terrorisme contre le Venezuela, CNN applaudit à ça, en fin de compte, c'est ce qu'elle dit. Mm-hmm. Elle parle aussi de Fox News. Elle dit que la chaîne télévisée Fox News accuse le gouvernement Chavez de terrorisme. Donc, elle est contente, et en tout cas, les médias en général disent des choses comme ça, selon elle. C'est très fort. Elle dit que depuis le début septembre, elle dit que la quantité de nouvelles négatives, fausses, biaisées ou manipulées concernant le Venezuela a augmenté de manière hallucinante. Elle dit que chaque fois qu'une élection approche, le Venezuela connaît le même phénomène. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. L'objectif évident de la campagne médiatique menée par ces chaînes, là, CNN et Fox News, est clair, c'est de renverser le président Hugo Chavez. Donc, ces chaînes en ont contre le président Chavez. Alors, mais ces chaînes-là, dans le fond, les nationaux, je veux dire, les Vénézuéliens, les écoutent. C'est ce que je comprends. C'est bonne question. C'est une très bonne question. Mais oui, moi, je dirais que oui, que c'est de toute façon, ils ont des sites web, ces chaînes-là. Oui, donc, c'est très facile d'avoir accès à l'information qu'elles diffusent, ces chaînes. Puis, Mme Gollinger dit qu'au cours des 8 dernières années, Ceux qui veulent renverser le gouvernement de Chavez font tout pour justifier les coups d'État. Les sabotages économiques, les actes de terrorisme, les tentatives d'assassinat, les interventions dans les élections, la guerre psychologique. Donc, ils justifient ça, eux autres. Okay. Il y a des millions de dollars des contribuables américains qui sont versés par des agences américaines à des partis politiques, des campagnes, des candidats et des organisations opposées à Chavez. Ah. Elle parle beaucoup de ça dans ses millions de dollars. Donc, wow. Dans ce texte-là. Et puis concrètement, comment font les médias pour faire campagne contre Chavez? Ben, en fait, ils diffusent des reportages. Ils essaient d'amener l'opinion publique à croire qu'une action est nécessaire pour sortir Chavez du Venezuela. Mm-hmm. Il y a une revue aux États-Unis, mais qu'on a ici, une revue The Economist, qui a publié un texte récemment qui dit qu'il avance le Venezuela à la plus mauvaise économie du monde. Eva Gollinger fait cependant remarquer que les chiffres cités par The Economist ne confirment pas du tout que le Venezuela a la pire économie du monde. Donc, il avance des choses, mais les chiffres ne le démontrent pas. Donc, c'est vraiment, on appelle ça la désinformation, là. Mm-hmm. C'est vraiment ce qu'elle dit. Puis, un autre exemple qu'elle met de l'avant, c'est le New York Times. Elle dit qu'au début septembre, le New York Times a publié un texte dont le titre était « On tue plus au Venezuela qu'en Irak ». Donc, c'est un titre très, très percutant. Mais encore là, il n'y a pas de chiffres. Ils n'ont pas… C'est pas documenté. C'est pas documenté, exactement. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la désinformation. Mm-hmm. C'est pas très objectif comme information. Le Newsweek a, quant à lui, publié un texte dont on peut traduire le titre ainsi, parce que c'est en anglais, mais en français, ça donnerait quelque chose qui ressemble à ça, là. Le Venezuela a le taux de meurtre le plus élevé de l'hémisphère. Et puis, Newsweek a aussi publié un texte disant que la popularité de Chavez est en chute libre. Mais Eva Gollinger, qui, elle, s'intéresse beaucoup au Venezuela, elle dit que c'est pas vrai. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est ça. Il avance pas de chiffres très précis pour justifier des titres comme ça ou des affirmations comme ça. Puis cette dame-là, elle vit là-bas. Elle, oui, puis ensuite, c'est sûr qu'elle, elle appuie Chavez et le Venezuela et tout ça, mais ce qu'elle essaie de démontrer, dans le fond, elle essaie d'être objective, elle. Ce qu'elle dit, c'est que ces médias-là ne sont pas objectifs, puis elle le démontre. Ils ont un parti pris. C'est sûr que si elle tente à ce point-là de démontrer le parti pris des autres, elle a un parti pris elle-même, mais quand même, ce qu'elle démontre, c'est très... c'est flagrant. Les médias là, comme le New York Times, The Economist, Newsweek, CNN, Fox, ils disent pas que l'économie du Venezuela progresse malgré la crise financière mondiale. Ah oui, non. Hein? Non, ils sont loin de dire ça. Eva Gollinger mentionne que si c'est exact qu'il y a un fort taux de criminalité à Caracas, ça ne peut pas se comparer aux millions de victimes irakiennes qu'a provoqué la machine de guerre des États-Unis lors de la guerre en Irak. Donc, c'est des choses comme ça qu'elle dit. C'est deux phénomènes complètement différents. Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a une différence entre les médias écrits et les médias télévisés? Selon elle, la télévision est encore pire que la presse écrite. Ah, oui. Récemment, CNN a diffusé un documentaire-reportage, intitulé « Les gardiens de Chavez ». Dans lequel la chaîne de télé associe de façon mensongère des groupes armés, des criminels, des terroristes, des paramilitaires, la chaîne les associe au gouvernement vénézuélien. Ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a rien qui prouve ça. Le 13 septembre, dans une émission en espagnol diffusée à CNN, Mm-hmm. Puis on a notre réponse pour la question de tantôt, à savoir si c'était diffusé là-bas. C'est en espagnol, donc oui. La journaliste, elle nomme une journaliste vedette de CNN, Patricia Janiot, qui a interviewé en direct un prisonnier évadé du Venezuela qui avait été jugé et condamné pour terrorisme 2 ans auparavant. OK. Dans une démonstration évidente de montage journalistique, la journaliste de CNN a qualifié le terroriste en fuite de prisonnier politique, d'étudiant persécuté par le gouvernement Chavez. Ah. Donc, mais le prisonnier évadé en question s'appelle Raúl Díaz Pena. Il a été condamné en 2008 après un long procès, où il a été prouvé qu'il était un des auteurs d'une attaque aux explosifs en février 2003, une attaque contre les ambassades de Colombie et d'Espagne à Caracas. Mm-hmm. Donc, c'est un criminel. Mm-hmm. Mais une fois rendu aux États-Unis, la journaliste de CNN lui parle comme s'il était un prisonnier, en fait, un prisonnier politique. Demandeur d'asile. Oui, c'est ça. Alors qu'il a subi un long procès, puis il a été prouvé qu'il avait commis des actes criminels. Donc, si ce n'est pas de la désinformation, on se demande bien ce que c'est. L'évadé en question, Raúl Díaz Pena, s'est évadé le 5 septembre. Du Venezuela. Il est arrivé à l'aéroport international de Miami dans un avion de ligne et a pu entrer sans problème aux États-Unis. Ah oui? Oui. Et à peine une semaine après son arrivée, il a été présenté comme un héros à la télévision à CNN. Donc, la Galinja, elle raconte ça, pour démontrer vraiment la campagne de désinformation à l'endroit du Venezuela qui se produit aux États-Unis. Puis ça démontre un peu aussi comment la télévision peut utiliser la télévision pour quel point c'est ça, ça désinforme, à quel point tout ce qu'on voit à la télé peut ne pas être vrai. On voit l'importance de développer son regard critique. Tout à fait, Marie-Josée. Alors, sur ces superbes paroles, nous allons nous quitter un instant, le temps d'une pause musicale. De retour tout de suite après pour la fin de notre entretien avec Marie-Josée Vachon. Merci. Pink Martini, Où est ma tête? Alors, merci, Nicolas. Alors, vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30, suivie de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duligneau. Alors, nous sommes de retour avec Marie-Josée, qui nous informe sur la désinformation qui se vit actuellement au Venezuela à l'approche des élections. Alors, on venait de parler différences qu'il y avait entre les médias, ou en tout cas, comment la télévision pouvait un peu rendre certaines vérités qui, dans le fond, le sont peut-être pas. Donc, on parlait d'un prisonnier qui avait été vénézuélien, qui avait été évadé et qui, finalement, aux États-Unis, est un peu considéré comme un héros. Donc, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est les médias américains, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les personnages. En tout cas, ça devient des personnages. Ça devient des personnages, exactement. Puis je tiens à préciser aussi, là, on parle de l'information dans les médias américains, mais maintenant, avec la mondialisation, évidemment, Fox News est accessible au Québec, au Mexique. L'anglais est parlé partout dans le monde. Donc, maintenant, c'est avec Internet et tout ça, c'est pas juste les Américains qui peuvent avoir accès à Fox News ou à CNN. Ça, c'est important à préciser que la portée de les messages qu'ils veulent véhiculer, diffuser, les idées qu'ils veulent. C'est des médias un peu internationaux. Ben c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, donc, c'est ça aussi. Est-ce qu'on peut dire que de terroristes, ils deviennent de prisonniers politiques lorsqu'ils mettent le pied aux États-Unis? Oui, c'est ce qu'a dit. J'ai parlé. Bon, ce que je dis aujourd'hui, j'ai beaucoup pris les informations dans un texte de Eva Gollinger. Excusez-moi, j'ai du mal à prononcer. Comme je vous l'ai dit, c'est une avocate formée à New York qui s'est installée au Venezuela et qui s'intéresse. Elle s'intéresse à l'intervention des États-Unis au Venezuela, mais aux médias et tout ça, elle s'est beaucoup intéressée à la désinformation durant la campagne pour les élections législatives qui ont lieu dimanche. Elle, ce qu'elle dit, bon, c'est que, par exemple, pour CNN, quand il s'agit du Venezuela, les terroristes deviennent des prisonniers politiques. Tantôt, c'est ça, je vous expliquais le cas d'un homme qui a été jugé, qui a subi un procès, puis ça a été prouvé que c'était un criminel. Il a participé à une attaque aux explosifs contre des ambassades, les ambassades de Colombie et d'Espagne. Donc, c'est un criminel, mais une fois rendu aux États-Unis, bon, il rentre en studio, il est interviewé par une journaliste vedette, il devient quasiment un héros, il devient un prisonnier politique. Donc, Eva Gollinger, elle ajoute, c'est ça, puis elle ajoute que dans un des textes diffusés à la télé et sur son site web, elle dit que CNN mentionne que le Venezuela est une des nations du monde les plus favorables au terrorisme, aux côtés de la Syrie et de l'Iran. Donc là, c'est spécial. On a la journaliste qui reçoit un criminel, elle en fait un héros politique, puis à la fin de l'entrevue, elle dit que le Venezuela est une nation favorable au terrorisme. Mais le Venezuela a jugé un criminel. Mais oui, en tout cas, vous comprenez. On comprend l'incohérence, encore une fois. L'incohérence dans tout ça, exactement. Le sujet du jour. Oui, c'est ça. Puis, elle insiste pour dire que les sources avancées par ces réseaux, CNN, Fox News, en tout cas, tous ces réseaux, c'est des sources qui sont discutables, un peu floues. Des exemples de sources. Bon, par exemple, des services de renseignement occidentaux. C'est quand même assez flou comme source. Mais sans les nommer, on ne les nomme pas. Ensuite, comme source, des personnalités de l'opposition au Venezuela, mais sans nommer personne. Un ex-espion. Donc, c'est flou comme source d'information. ils s'appuient, c'est ça, sur des sources comme ça, mais qu'ils évitent de nommer précisément. Bon, ben là, on est dans la dernière ligne droite avant les élections législatives de dimanche, là, le 26 septembre. Donc, c'est normal que ces jours-ci, les attaques des médias s'intensifient, c'est-à-dire de la désinformation comme ça dans ces réseaux-là. C'est un cirque. Oui. Vraiment. Puis, à part Eva Göllinger, est-ce qu'il y a d'autres qui dénoncent cette campagne médiatique contre le Venezuela? Oui. La semaine dernière, dans une interview au quotidien espagnol El País, l'écrivain bien connu et uruguayen Eduardo Galeano, il a résumé la campagne médiatique contre le Venezuela. Il a dit qu'il y avait actuellement une entreprise de démonisation de Chavez. Ah oui, lui, c'est ce qu'il a dit. Galeano explique ça en disant que le pire scandale auquel on assiste aujourd'hui est qu'il y a chaque minute 3 millions de dollars de dépenses militaires. Wow! Et pour qu'il y ait autant de dépenses militaires, ça prend des ennemis avec un visage. Mm-hmm. Saddam Hussein est mort, il n'est plus là, donc il faut trouver d'autres visages. Et Hugo Chavez en est un, devient un visage pour justifier les dépenses militaires. Oui, Eduardo Galeano. Ça prend une bonne justification, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, les élections, c'est dimanche? Oui, il est important de préciser qu'il s'agit des élections législatives, et non des élections présidentielles. Les élections législatives de dimanche sont un test important pour Hugo Chavez, en vue des prochaines élections présidentielles qui, elles, auront lieu en 2012. Puis, il faut rappeler aussi que lors des dernières élections législatives au Venezuela en 2005, l'opposition avait boycotté le scrutin. Donc, la coalition chaviste de l'époque avait remporté 100% des sièges. Donc, les élections législatives de dimanche vont marquer le retour de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ça, c'est important de le préciser. Donc, pour les élections législatives de dimanche, à cause de ça, le contexte est radicalement différent. D'abord parce que il y a un nouveau parti qui a fait son apparition sur la scène politique au Venezuela. Puis, ce parti politique-là a été créé en 2007 et il regroupe l'essentiel des forces politiques qui soutiennent la révolution bolivarienne. Mm-hmm. Ça découle d'une initiative d'Hugo Chavez, ça, il faut le préciser. Mm-hmm. Puis, je vais juste vous parler pour terminer là, des sondages. C'est l'Institut de sondage GIS 21. C'est un institut qui est proche du gouvernement vénézuélien. Fait que, Il est très pro-Chavez. C'est très pro-Chavez, là, mais j'ai fait une recherche pour trouver des statistiques, puis j'ai eu du mal à en trouver, et puis j'ai trouvé leurs statistiques à eux. Donc, les pro-Chavez, là, comme c'est là, il y a des sondages qui donnent 50.6 à 54.6 des voix pour Chavez, ça assurerait 110 sièges sur 165 à l'Assemblée législative. Fait que, pour terminer, là, juste mentionner que ça prend 99% des sièges pour donner au président des pouvoirs exceptionnels pour légiférer et pour accélérer la mise en œuvre de la révolution bolivarienne. Fait que si les sondages, si ces données-là, si c'est ce qui se produit dimanche au terme des élections législatives, mm-hmm. la révolution bolivarienne de Chavez, Chavez va avoir des bonnes cartes dans son jeu là, pour mener à bien sa révolution bolivarienne. Donc, juste pour en finissant, il y a 18 millions de Vénézuéliens qui sont appelés aux urnes dimanche. Wow! Alors, Marie-Josée, merci beaucoup pour cette chronique. On va essayer de tenter de lire. Vous avez le code Chavez qui a été publié par Eva Göllinger. Puis aussi, vous nous avez parlé du docu-reportage Les gardiens de Chavez. Donc, ça va être intéressant de regarder ces sources-là. Il y a le site web pour le livre. Il y a un site web qui s'appelle chavezcode.com. www.chavezcode.com. qui est, bon, c'est le site web de cette femme, là, qui est très pro-Chavez, c'est sûr et certain, là, je tiens à le dire. Excellent. C'est très intéressant. Oui, merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, nous suivrons de près les élections au Venezuela en fin de semaine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Nicolas Montrand qui est à la mise en onde, à Cédric Leterme ainsi qu'à Marie-Josée Vachon donc, qui ont fait des superbes chroniques. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL www.ckrl.qc.ca et que vous pouvez nous écrire à l'émission à legrainsable@hotmail.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Mon nom est Valérie Blouin et je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau avec 100% dynamite tout de suite après la pub, toujours sur CKRL, la radio qui cultive tes goûts. De retour à Québec après 10 ans, Pat Metheny s'installe au Capitole de Québec le 13 octobre.